Donna Haraway se présente comme une femme, blanche, d'âge moyen, américaine, radicale, de classe moyenne et exerçant un métier. Pour ma part, je suis une femme blanche, la trentaine bien passée, française, pas radicale, de classe aisée et exerçant un métier. Voici ce qu'on pourrait dire avant de prendre la parole et dénoncer un discours féministe. Rappeler d'où on parle. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'a-t-on dit ? A-t-on dit tout de soi ou quelque chose de sa condition ? Quand on est féministe, comment distinguer entre son identité et où l'on est situé ? Comment rappeler de quoi l'on est fait sans y être enfermé ? That man over there says that women need to be helped into carriages and lifted over ditches and given the best place wherever. Nobody helps me into carriages, nor over the muddy patches, or gives me any best place. And ain't I a woman? Look at me. I have plowed and planted and gathered into barns, and no man could best me ever. Ain't I a woman? I could work as hard and eat as much as a man when I could find it and take the lash as well. And ain't I a woman? I have borne 13 children and seen most of them sold off to slavery. And when I cried out with my mother's grief, no one but Jesus heard me. And ain't I a woman? Bonjour Elsa Dorlin. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie contemporaine à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. On vous doit plusieurs ouvrages, notamment Se défendre, une philosophie de la violence, paru aux éditions Zone, Sexe, genre et sexualité, Introduction à la théorie féministe aux éditions PUF. Et puis récemment, vous avez coordonné l'ouvrage Feu, abécédaire des féminismes présents, paru aux éditions Libertalia. Est-ce que c'est une bonne manière de vous présenter ou est-ce que je dois élargir votre portrait, Elsa Dorlin, comme le fait Donna Haraway dans son manifeste Cyborg pour se présenter? Mais lorsqu'elle se présente comme vous l'avez énoncé en introduction, je crois que elle dit plus que simplement qu'elle est une femme blanche américaine, états-unienne, etc. Elle déploie en fait davantage cette présentation pour essayer de déjouer aussi ce qui relèverait d'un simple aveu de ce que l'on est, et pour déjouer aussi la réduction de ce que l'on est précisément à des identifications catégorielles qu'elle va justement discuter. Et finalement, dans le même texte, elle va davantage essayer de démontrer que ce qu'elle est en tant que sujet de connaissance, c'est un sujet qui est situé dans des conditions matérielles d'existence, qui récapitule en fait dans ce qu'elle peut énoncer un certain nombre de récits, mais aussi de strates historiques, de rapports de domination et d'exploitation. Donc je crois qu'il y a quelque chose, lorsqu'on s'arrête à « je suis une femme blanche bourgeoise » par exemple, il faut faire attention à ne pas s'arrêter là, parce que là ça relèverait encore une fois de l'aveu catégoriel sur des catégories qui sont probablement obsolètes. Alors justement, c'est toute la tension un petit peu qu'on retrouve dans la pensée de Donna Haraway, notamment entre ce qu'elle décrit de la figure cyborg, qui est une figure hybride, augmentée, qu'on ne peut pas assigner, et la tension avec l'identité. Elle refuse complètement l'identité, justement pour être du côté du cyborg. Est-ce qu'on peut dire que Donna Haraway est vraiment la créatrice, la fondatrice d'un mouvement qu'on pourrait appeler le cyberféminisme, ou juste en fait d'un féminisme, d'un des nombreux mouvements du féminisme ? Alors, sur la question du cyborg, il faut rappeler que ce qu'elle déploie d'abord autour du cyborg, c'est une réalité du capitalisme avancé, de l'articulation entre un mode de production qu'elle va qualifier de technoscientifique et militarisé, et qui jouit d'une puissance d'auto-représentation, notamment à travers toute la machine hollywoodienne qui abreuve la population globale de mythologie technoscientifique, héroïque, viriliste. Et le cyborg, dans cette description, il faut le comprendre à la fois comme un cauchemar, elle va le qualifier de cauchemar, qui décrit une réalité, et encore une fois une réalité économico-politique, mais aussi idéologique, c'est-à-dire la fabrication d'entités qui sont à la fois organiques et technologiques, de la miniaturisation d'éléments technologiques qui structurent nos vies. C'est aussi la question militaire, la question de la privatisation, de la connexion et de la surveillance et du contrôle des flux que constituent les rapports humains et les rapports sociaux. Donc c'est d'abord plutôt une vision, encore une fois, de la réalité, de nos conditions matérielles d'existence, et c'est une vision apocalyptique, selon Haraway. Or, ce qu'elle essaye de penser à partir de là, c'est presque une sorte d'adage marxiste, c'est nous devons saisir la matérialité de nos conditions de nos conditions d'existence, et arrêter finalement de nous représenter la réalité sociale et la réalité économico-politique à travers des catégories qui sont obsolètes et qui sont celles finalement d'une modernité avec un système catégoriel binaire, oppositionnel entre nature et culture, biologique et technologique, homme, femme, privé, public, etc. Donc l'injonction à laquelle elle nous oblige finalement pour nous situer, c'est dévoilons cette réalité pour augmenter notre propre potentiel révolutionnaire. Or, ce qu'elle dit finalement, c'est que nous-mêmes, nous sommes cyborgs, en tout cas nous sommes dans des conditions qui relèvent du cyborg, des conditions qui sont d'impureté, d'hybridité. Et c'est à partir de cette condition matérielle d'existence que nous devons lutter. Est-ce que comment vous pourriez présenter le féminisme de Donna Haraway, Elsa Dorlin? J'entends par là en fait quelle étiquette on pourrait lui mettre pour la situer, même si je sais bien que le terme étiquette doit rebuter Donna Haraway et déjà ne correspond pas à son féminisme qui justement est fait d'un ensemble de facettes et n'est pas réductible à une identité. Mais à quel endroit en fait elle se situe? Lorsqu'elle se situe elle-même comme radicale, ce que l'on traduit en français par le terme radical, elle s'inscrit très clairement dans une tradition marxiste, postmoderne, d'un féminisme qui a aussi un ennemi principal, ce qu'elle appelle le truc scandaleux, elle-même, qui est le patriarcat capitaliste blanc. Donc c'est vraiment dans cette convergence-là, mais c'est une pensée qui renouvelle considérablement la tradition marxiste états-unienne, en tout cas à partir des années 80. Être femme n'est pas un état en soi, mais signifie appartenir à une catégorie hautement complexe, construite à partir de discours scientifiques sur le sexe et autres pratiques sociales tout aussi discutables. Conscience de classe, conscience de race ou conscience de genre nous ont été imposées par l'implacable expérience historique des réalités contradictoires du capitalisme, du colonialisme et du patriarcat. Qui compose ce « nous » dans ma propre rhétorique ? Sur quelles identités peut-on s'appuyer pour fonder un mythe politique aussi puissant que ce « nous » et qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à s'engager dans une telle collectivité ? Les douloureuses divisions qui opposent les féministes les unes aux autres, sans parler des femmes en général, ont emprunté toutes les lignes de fracture possibles et rendu insaisissable le concept même de « femme », concept qui constitue une matrice où reproduire entre femmes les relations de domination. Pour moi, et pour beaucoup d'autres, comme moi, historiquement incarnée dans un corps de femme blanche d'âge moyen, américaine, radicale, de classe moyenne et exerçant un métier, la crise d'identité politique menace à tout instant. Face à ce genre de crise, l'histoire récente d'une grande partie de la gauche et du féminisme américain est une histoire de scissions incessantes et de quêtes éternelles d'une essence unificatrice. Mais petit à petit, une autre possibilité de réponse à ces crises s'est imposée. La coalition. L'affinité plutôt que l'identité. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'était un extrait du manifeste Cyborg de Donna Haraway, interprété par Hélène Losser. On retrouve les termes, les mots que j'ai employés pour présenter Donna Haraway. Corps de femme blanche, d'âge moyen, américaine, radicale, de classe moyenne et exerçant un métier. Mais ce qu'elle dit dans ce texte, c'est que finalement, l'idée même de se définir, de l'identité, est une idée complètement obsolète. Je reprends un de vos termes, Elsa Dorlin. Mais si l'identité est obsolète, déjà, pourquoi est-elle obsolète et par quoi la remplacer qui puisse avoir tout autant de puissance que l'identité ? Elsa Dorlin. Là, en tout cas, dans ce qui est la tension qui est patente là dans l'extrait, c'est justement l'idée, la distinction entre une identité individuelle, personnelle, même si elle est également une identité autoproclamée ou de situation. Et puis l'enjeu de la conscientisation politique, c'est-à-dire la construction d'un sujet politique. Mmh. Et ce que Donna Haraway révèle, c'est qu'au fond, dans le contexte, encore une fois, théorique, politique, des féminismes clivés états-uniens des années 70 et 80-90, la question, c'est que l'identité de genre ne peut pas être, en fait, une identité politique, précisément parce que ce serait oublier les antagonismes, les conflictualités à l'intérieur des processus de subjectivation qui se sont tramés du milieu du 19e siècle jusqu'au 21e siècle sur notamment la construction d'une identité politique qui est celle des femmes, de nous les femmes, et qui a été une identité exclusive qui n'a jamais inclus les femmes africaines-américaines, les femmes esclaves, descendantes d'esclaves, et les femmes racisées, et également les femmes paupérisées, les femmes pauvres. Donc elle restitue aussi cette conflictualité très forte, qui a structuré la pensée féministe contemporaine et ce débat qui a lieu sur le sujet politique du féminisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit lorsque l'on dit « nous, les femmes » et la question de Donna Haraway est de dire « il ne suffit pas en fait de ramener à des identifications qui sont encore finalement une forme de langage du maître, mais il faut restituer des conflits et des antagonismes, y compris à l'intérieur du féminisme, pour essayer justement de construire au fond un sujet politique bien plus impur et qui n'est pas fort clos sur finalement les femmes de la classe moyenne et supérieure blanche états-unienne, et qui, au contraire, en fait, s'interroge sur la possibilité même de coalition politique par rapport à un système de domination qui, lui, en fait, est commun à l'ensemble des collectifs, mais aussi qui violente, on pourrait dire, et normalise les corps. Finalement, on pourrait dire que Donna Haraway a anticipé les débats un petit peu actuels là, sur les mouvements identitaires liés au féminisme, qu'on appelle d'ailleurs des mouvements identitaires, mais en sont-ils vraiment, à savoir le rappel de certaines données qui nous conditionnent, comme notre couleur de peau, notre sexe, notre genre, nos conditions matérielles, n'est pas pour autant n'est pas réductible au fait de se conforter uniquement en fait à ce rappel des conditions. Est-ce qu'on peut dire que Donna Haraway avait anticipé ce débat-là où rappeler ce qu'on nous assigne comme identité ne veut pas dire qu'on a envie d'être enfermé dans cette identité? Alors, elle ne l'anticipe pas du tout. C'est probablement une vision un peu déformée que l'on peut avoir, nous, depuis le contexte du débat public ou du débat plus théorique aujourd'hui en France. Mm-hmm. Et avec cette idée, finalement, d'une sorte d'inactualité aussi sur certaines questions. Mais au fond, encore une fois, Haraway, et notamment, on peut dire avec cette date de 1985, qui est la publication du Cyborg Manifesto, elle s'inscrit dans un débat qui est très, très nourri, qui est déjà constitué par des contributions majeures du féminisme africain-américain et du féminisme chicana, c'est-à-dire des féministes états-uniennes et mexicaines, enfin qui sont dans cette double, qui sont à la frontière au sens propre du terme et dans ce double régime politique. Et dans ce cadre-là, on va avoir un certain nombre d'abord d'interpellations de ce nous, les femmes, par les féminismes africaines-américaines, qu'il s'agisse de Audre Lorde, de Bell Hooks, Angela Davis, Michelle Wallace, etc. Enfin, qui sont des figures très importantes et qui vont interpeller le féminisme, on va dire, qui tient la parole, qui a la parole, pour rappeler une histoire sociale et politique, et celle de l'esclavage, de la période ségrégationniste et de la période post-ségrégationniste, pour insister sur le fait que, au fond, dans la modernité, la catégorie femme a toujours et exclusivement signifié les femmes blanches des classes moyennes et supérieures de la bourgeoisie états-unienne. Et en faisant cela, c'est aussi rappeler que un certain nombre, non seulement de récits de l'histoire de l'histoire des femmes, est un récit qui oblitère, invisibilise, exclut toute une autre réalité sociale de l'exploitation en termes de genre et de sexualité, et que cette construction de la catégorie genre est en fait une catégorie biaisée qui finalement, de façon très problématique, ne parle que d'une partie des femmes. Liberté, égalité, femmes de toutes conditions, unissez-vous pour conquérir votre égalité. Les militantes féministes américaines sont très satisfaites de leur journée de revendication, pourtant parfois mouvementée, organisée à l'occasion du 50e anniversaire du droit de vote pour les femmes aux États-Unis. Au cours de cette grande journée de revendication, les militantes féministes avaient organisé toute une série de démonstrations sur le thème général de la dénonciation du régime colonialiste et raciste imposé par le chauvinisme mâle, disent-elles, aux femmes américaines. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent. De pauvres femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Asservis. C'est l'hymne du MLF, du Mouvement de Libération des Femmes, hymne français, où on entend bien l'usage du « nous », de ce, de ce pronom qui permet d'identifier nous les femmes et qu'interroge justement Donna Haraway. Et puis juste avant, on a entendu cette archive du 27 août 1970, cette archive où on entendait justement cette marche, cette manifestation pour dénoncer le régime colonialiste et raciste imposé, comme on l'a entendu, par le chauvinisme mâle. Est-ce qu'on doit faire une différence en fait entre le féminisme en France dans les années 70 avec le féminisme aux États-Unis qui intégrait déjà une forme d'intersectionnalité, comme on pourrait le dire, à savoir qui prenait en charge non seulement les inégalités de genre, mais aussi de race et de classe, alors que le féminisme en France avait, pour le coup, été plutôt enfermé sur la question de genre et que pour le, Donna Haraway se situe du côté véritablement du féminisme américain. Mais c'est, alors c'est assez complexe, je dirais. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que une des premières, Donna Haraway s'inscrit avec d'autres, et notamment ce que feront encore un certain nombre de théoriciennes, de féministes, de militantes africaines-américaines, mais jusqu'à Kimberlé Crenshaw qui élabore le concept d'intersectionnalité, c'est que il est très problématique de toute façon d'analyser et de fonder d'ailleurs une action politique sur l'idée qu'il y aurait une accumulation d'oppression. Mm-hmm. D'abord, c'est problématique parce que c'est finalement distinguer de façon analytique ce qui, dans l'expérience vécue de la domination, mais aussi dans les conditions matérielles d'existence d'un certain nombre d'individus, n'est pas distinguable de façon analytique. Donc, il y a ce que ça signifie, c'est que il est davantage heuristique de penser des rapports de domination qui ont différentes modalités d'exercice et d'application sur tel ou tel corps, tel ou tel individu, tel ou tel collectif, communauté, et d'essayer de montrer au fond que c'est cette pluralité en fait des expériences qui doivent être synthétisées pour essayer de produire un nous, c'est-à-dire pour essayer de construire un sujet politique, un nous notamment féministe, qui ne soit pas fort clos et qui ne soit pas fondé sur une identité exclusive qui, encore une fois, ne représente pas en fait non seulement toutes les individus, mais qui en plus finalement fait une mauvaise analyse, une analyse tronquée en fait des dispositifs de domination. Et de ce point de vue-là, alors ce qui se passe aux États-Unis dans les années 70, dans les années 80, et ce qui est très marquant, avec une véritable association à la fois du marxisme, du corpus de la pensée noire et des mobilisations au sein du, notamment du Black Power, ça a été de caractériser un système de domination qui est un mode de production capitaliste, qui est intrinsèquement colonialiste, impérialiste, et qui s'appuie en fait sur une histoire qui est celle du colonialisme et qui s'effectue dans un mode impérialiste, et qui est intrinsèquement patriarcal. Ce qu'on a entendu dans le premier texte tout à l'heure, c'était cette idée de conscience de classe, conscience de race et conscience de genre, Elsa Dorlin, et vous avez dit que Donna Haraway avait véritablement un projet marxiste. Comment on peut se former ce sujet à la fois individuel, politique, mais aussi ce sujet politique collectif, cette coalition, à partir de concepts proposés par le marxisme, comme la conscience de classe, comme la conscientisation, alors même que Haraway nous dit que ce sont des concepts qui ont été imposés par le patriarcat. Comment se ressaisir de ces concepts qui ont été manipulés par des systèmes de domination? Alors, c'est la distinction entre identité et conscience, et conscientisation. On peut dire que dans la modernité, s'est déployé un système, encore une fois, une taxinomie qui a, au fond, œuvré à imposer une façon d'appréhender le monde et, de le rendre intelligible à travers un système catégoriel et vraiment avec l'ensemble de cette série binaire qui oppose ce que je disais tout à l'heure, vraiment homme-femme, nature-culture, mm-hmm. biologie technique, privé-public, personnel politique, etc. Enfin, toute cette série en fait qui marque la modernité. Donna Haraway s'appuie évidemment sur le marxisme et le poursuit, mais aussi le critique, en considérant que un des problèmes a été de penser l'exploitation et de penser les conditions matérielles d'existence à travers exclusivement l'exploitation économique, enfin, et donc à finalement élaborer ou appréhender le capitalisme en dehors de ce qui le constituait également, c'est-à-dire une dimension colonialiste, impérialiste et patriarcale. Et de ce point de vue-là, on peut dire que elle s'inscrit dans des courants du marxisme qui, notamment dans toute la tradition du marxisme noir aux États-Unis, et qui a de façon première et magistrale à déployer en fait une compréhension et une analyse critique du mode de production capitaliste en ne séparant jamais en fait ce qui en constitue véritablement le mécanisme et la nature, c'est-à-dire une dimension toujours et en même temps patriarcale et impériale. Donc comment c'est presque, si vous voulez, c'est presque notre propre cécité sur l'idée d'un marxisme, d'un certain corpus marxiste qui a complètement ignoré ou marginalisé l'ensemble d'une bibliothèque qui est celle du marxisme noir et pour laquelle, notamment de façon, encore une fois, exemplaire dans les écrits de Angela Davis, qui ne appréhende véritablement le capitalisme dans sa structuration même coloniale et patriarcale. Et comment Donna Haraway se réapproprie, est-ce qu'on peut employer ce terme-là, ce corpus marxiste noir qui avait été laissé qui était tombé dans l'oubli ou qu'on avait effacé, invisibilisé. Est-ce que cette manière d'en reparler, est-ce que c'est juste de dire ouvrez les yeux, il y a autre chose, ou est-ce que véritablement elle en reprend les outils et les concepts pour former en fait une théorie? Alors, pour Donna Haraway, et dans le contexte états-unien, il n'est pas du tout oublié ou il n'est pas du tout minoré. C'est-à-dire que là encore, on est dans les années 70, 80, 90, on est dans des décennies de grande effervescence intellectuelle, avec l'émergence d'un certain nombre de textes, notamment du côté de tout ce qui va être la critique du marxisme noir à l'encontre du système juridique états-unien, et qui va extrêmement travailler en fait et enrichir cette tradition du marxisme africain-américain, en tout cas des théorisations marxistes africaines-américaines. Et Donna Haraway s'inscrit là aussi en dialogue avec toute une pensée du féminisme africain-américain, et donc elle prend place dans ce débat. Je crois encore, ce qui est important, c'est probablement ce qui nous semble depuis le contexte français difficile à comprendre, c'est-à-dire mm-hmm. la richesse au fond du débat théorique et politique aux États-Unis, et qui a des enjeux d'ailleurs très extrêmement concret, parce que nous sommes dans un contexte aussi de renouvellement et de l'agenda politique du féminisme, et avec la formulation d'un certain nombre de revendications fondamentales, et notamment dans ces années-là, évidemment, sur la question de l'avortement. Or, on comprend que le débat à l'intérieur du féminisme va notamment portée par les féminismes africaines, américaines et chicana, montrer que la revendication sur le droit à l'avortement ne fait pas justice à l'histoire des femmes racisées aux États-Unis, pour lesquelles en fait la revendication devrait d'abord être énoncée en termes de justice reproductive, puisque pour une grande part, historiquement, les femmes africaines, américaines, afrodescendantes aux États-Unis, ou migrantes et chicanas, ont été confrontées à des politiques, au contraire, de stérilisation forcée, de négation de leur maternité, de dislocation, en fait, de la question du lien familial et du faire famille, et que ça, c'est très marqué dans toute la période esclavagiste, mais également ségrégationniste, et que pour une part, la revendication en termes de justice reproductive, précisément, permet de montrer qu'il y a un système d'exploitation et de brutalisation des corps et des corps sexués qui est pluriel, qui s'est effectué différemment selon que l'on est une femme blanche ou noire, selon qu'on est pauvre ou de classe bourgeoise. Et qu'on voit bien ici que la non-prise en compte de ces différentes modalités, au fond, conduit à énoncer non seulement un sujet politique qui est fort clos et qui ne désigne que certaines femmes, mais aussi détermine un agenda politique qui oublie complètement, en fait, qui oublie et même réifie une forme de domination sur d'autres femmes. Eh bien, mes enfants, quand il y a beaucoup de raffus, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui s'est mis de travers. Moi, je dis qu'entre les nègres du Sud et les femmes du Nord, tous autant qu'ils sont à parler de leurs droits, les hommes blancs ne vont pas tarder à se retrouver en mauvaise posture. Mais c'est quoi tout ce bavardage qu'on entend ici? Ce petit homme en noir, là-bas, dit qu'une femme a besoin qu'on l'aide à monter en voiture? Et qu'il faut la soulever pour sauter les flaques? Et qu'il faut lui offrir la meilleure place partout? Personne ne m'aide jamais à monter en voiture ou à sauter des flaques, et personne ne m'offre jamais une quelconque meilleure place. Et ne suis-je pas une femme? Regardez-moi, regardez mon bras. J'ai labouré et planté, et mis en gerbe dans des granges, et aucun homme ne pouvait me surpasser. Et ne suis-je pas une femme? Je pouvais travailler autant et manger autant qu'un homme, quand on m'en donnait l'occasion, et supporter aussi bien le fouet. Et ne suis-je pas une femme? J'ai porté 13 enfants, et j'ai vu la plupart vendus en esclavage. Et quand j'ai pleuré d'une douleur de mère, personne, à part Jésus, ne m'a entendu. Et ne suis-je pas une femme? Quand ils parlent de ce truc-là, dans la tête, comment ils l'appellent donc? L'intelligence. Et qu'est-ce que ça vient faire avec les droits des femmes ou les droits des nègres? Alors, ce n'était pas Donna Haraway, c'est un discours de Sojourner Truth et Ne suis-je pas une femme, un discours prononcé le 29 mai 1851, mais que Donna Haraway va commenter dans un essai qui s'appelle Ecce Homo. Est-ce qu'on peut dire, Elsador Lin, que Sojourner Truth, c'est véritablement la figure de la femme cyborg, celle qui justement n'est pas assignable à une identité, ou seulement en fait, par cette tournure négative, va révéler qu'elle est toujours, elle échappe toujours en fait à une sorte de fixation et à toutes les catégories qu'on a jusqu'ici dessinées. Alors, ce n'est en aucune façon dans un sens de libération ou de par rapport aux catégories. Mm-hmm. Le discours de Sojourner Truth, qu'il faut rappeler, voilà, c'est juin 1851. C'est 3 ans après une grande convention féministe qui est considérée comme l'acte fondateur du féminisme états-unien. C'est la convention de Seneca Falls, où un certain nombre de femmes blanches vont se réunir et élaborer en fait une sorte de manifeste de revendication. Le discours de Sojourner Truth, il vient d'abord démonter et critiquer l'exclusion, en fait, des femmes noires, afrodescendantes, de la catégorie même de femmes en tant que catégorie, effectivement, d'assignation, mais aussi en tant que identité politique revendicative. Et ce que dit Sojourner Truth, c'est lorsqu'elle est elle prend la parole dans cette assemblée abolitionniste, elle est une grande figure du mouvement abolitionniste. Et effectivement, un homme l'interpelle dans le public parce qu'il y a d'autres femmes qui sont à la tribune, des femmes blanches. Et cet homme dit mais les femmes sont faibles, incapables, elles ont une moindre intelligence, elles sont plus faibles physiquement. Et à ce moment-là, Sojourner Truth monte à la tribune et dit mais de quoi tu parles? C'est-à-dire que effectivement, vous êtes dans une forme de solipsisme blanc. Au fond, c'est-à-dire que vous ne parlez que là de politique qui ne concerne que qu'une partie de la population. Qu'une partie de la population. Et Sojourner Truth rappelle ici le fait que, et c'est en ça que on peut dire que c'est pour Harawell le premier point d'élaboration de la figure du cyborg, c'est que Sojourner Truth rappelle que la division sexuelle et raciale du travail, notamment lorsque l'on prend en considération l'histoire de l'esclavagisme, ça a été de construire des corps qui sont monstrueux par rapport à des catégorisations dominantes et qui se prétendent universelles. Donc ça, c'est très fort. Et c'est en ça que c'est d'abord l'idée d'une figure. Sojourner Truth, c'est une figure monstrueuse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une femme. Et lorsqu'elle dit « mais ne suis-je pas une femme ?», c'est une interpellation pour dire justement la prise en compte au fond du racisme et du rapport de classe fait que la catégorie femme est complètement inopérante à la fond. Et, voilà, est différente. Et en ça, ce qui me semble très fort dans Sojourner Truth, c'est précisément cette interpellation et aussi de montrer que, vous voyez, la dimension monstrueuse des corps, elle est liée à des systèmes catégoriels, à un moment donné, qui viennent rendre inintelligible la réalité. Elle parle d'ailleurs, Donna Haraway, de l'autre inapproprié. Ça, c'est un concept qu'elle emprunte à une théoricienne féministe qui s'appelle Trinh Minh A et qui, justement, par ce thème d'inapproprié, signifie à la fois inadapté mais que l'on ne peut pas s'approprier. Est-ce que par ce concept de l'autre inapproprié à laquelle correspond Sojourner Truth, est-ce que Donna Haraway veut nous montrer finalement que non seulement les catégories de pensée et sociales sont obsolète, inopérante, mais surtout en fait qu'on devrait s'en passer. Et est-ce que ce passé de catégorie, est-ce que ça permet justement quand même malgré tout de penser un ensemble collectif, une organisation ? Oui, elles sont obsolètes et c'est précisément leur obsolescence qui rend les luttes malheureuses. C'est-à-dire qu'elles sont obsolètes, mais parce que les luttes politiques continuent de les investir pour les critiquer, les démonter, etc., elles rendent ces luttes complètement inefficaces dans une certaine mesure. Parce que l'idée, c'est que Sojourner Truth, l'autre inapproprié, elle révèle aussi de façon bien plus juste une condition matérielle d'existence. Une condition matérielle d'existence qui est finalement la fabrique du genre où la fabrique de monstres, mais qui, Sojourner Truth, femme esclave qui a œuvré à sa propre émancipation, au fond, elle révèle aussi un système d'exploitation qui est ce bien plus juste, en fait, dans cette idée de fabrique des corps et fabrique des assignations. Et l'autre chose qui est, à mon sens, très important dans cette référence à Sojourner Truth que fait Donna Haraway, c'est tout ce qu'elle explique, tout ce qu'elle déploie ensuite sur le concept de narration, de récit. À la fois de récit, finalement, dans les grands récits que produit évidemment les systèmes de domination et les rapports de pouvoir, mais aussi les récits, les contre-récits politiques que nous lui opposons. Or, ce qui est intéressant avec l'exemple de Sojourner Truth, là encore une fois, ça révèle aussi la pensée de Haraway, qui est une pensée très complexe, c'est que le discours que l'on rapporte de Sojourner Truth, c'est un discours d'abord oral, c'est une prise de parole à une tribune, il a été noté par une militante abolitionniste blanche, qui va le retranscrire, qui va aussi le retranscrire de façon presque folklorique dans le texte même, dans l'écrit, en insistant sur l'accent de Sojourner Truth. Oui, il y a des didascalies dans le texte, effectivement. Exactement. Donc par exemple, se dressant de toute sa hauteur, sa voix grondant comme le tonnerre, ou alors elle dénuda son bras droit jusqu'à l'épaule, montrant sa remarquable puissance musculaire. C'est le genre de didascalie qu'on trouve effectivement dans le texte. Et donc, on voit bien aussi que d'un événement politique, en fait, il est en permanence réintégré dans des formes de narration qui le dénature, en fait. C'est des narrations qui, en permanence, aussi vont en produire une autre version, une autre réalité. Sachant que dénaturer pour Donna Haraway est une bonne chose, hein. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu le sens originel, mais qu'au contraire, on ne fait qu'augmenter le sens originel d'un ensemble de points de vue et d'interprétations et de récits supplémentaires. Exactement. Et donc, mais c'est aussi une façon de montrer comment, c'est aussi une écriture blanche qui revient sur une parole noire. Enfin, vous voyez, il y a aussi tout ce jeu qui fait qu'on n'est pas non plus dans une pensée, totalement qui embellit une réalité. Elle restitue aussi là une conflictualité majeure. Women have repeatedly understood that not being disappeared. Les femmes ont bien compris qu'elles étaient systématiquement effacées par les opérateurs puissants de la pensée masculiniste, par les pratiques masculinistes venant aussi bien des institutions que des individus. Notre pensée est effacée très rapidement. Et je pense que l'une des pratiques féministes, délibérée et soigneuse, doit être très prudente et précise à propos de l'histoire des idées, de la créativité et de l'originalité, de l'importance de la pensée des autres femmes. Et je sais, par ma propre expérience et celle d'autres femmes importantes que je connais, que la vitesse à laquelle nous disparaissons des citations est à couper le souffle. Je milite pour les politiques et les épistémologies de la localisation, du positionnement et de la situation, où la partialité et non l'universalité est la condition pour faire valoir ses prétentions à la construction d'un savoir rationnel. Ce sont des prétentions qui partent de la vie des gens. La vue depuis un corps, toujours complexe, contradictoire, structurant et structuré, opposée à la vue d'en haut, depuis nulle part, et simple. Seul le truc divin est interdit. Le féminisme chérit les sciences et les politiques de l'interprétation, de la traduction, du bégaiement et du semi-compris. Le féminisme a à voir avec les sciences du sujet multiple, avec, au minimum, une vision double. Le féminisme est une affaire de vision critique, résultant d'un positionnement critique, dans un espace social genré non homogène. Une traduction est toujours interprétative, critique, et partiale. Voilà un fondement pour l'échange, la rationalité et l'objectivité, définissable comme une conversation sensible à la question du pouvoir et non simplement pluraliste. L'objectif des théoriciennes féministes, qui ambitionnent une épistémologie et une politique de positionnement engagée et responsable, reste éminemment décisif. Le but recherché ? Ce sont des récits plus justes du monde, c'est-à-dire une science. Il faut revenir avant de nous quitter, Elsa Dorlin. On a encore une petite dizaine de minutes sur cette idée de Donna Haraway qui est l'idée de savoir situer. On vient d'entendre un extrait interprété par Hélène Losseur de son essai « Savoir situer, la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle » qui est paru en 1988. Juste avant, c'était une archive de Donna Haraway en 2016. Elle dit bien cette manière dont les récits, dont les visions féminines sont effacées, les citations, elle dit, sont oubliées en un clin d'œil. Et là, on entend effectivement qu'elle promeut au contraire, non pas l'idée de vouloir à tout prix rester, être entérinée, mais au contraire, en fait, elle dit, il faut à tout prix proposer en fait une vue qui soit d'un point de vue particulier et l'assumer en tant que telle. Oui, et puis c'est la grande contribution à l'épistémologie de Donna Haraway, et que donc l'épistémologie des savoirs situés, ou épistémologie aussi qui entre en écho avec l'épistémologie du positionnement de Sandra Harding, avec laquelle elle discute énormément sur cette question. C'est vraiment l'idée chez Haraway que l'épistémologie, c'est une politique en fait, c'est un agir politique. Et la question, c'est d'élaborer une épistémologie des savoirs situés, qui est une épistémologie profondément féministe, précisément parce qu'il s'agit de développer des points de vue révolutionnaires qui renversent en fait des taxinomies, qui renversent des narrations au sens où la science est un ensemble aussi de récits. Et pour Haraway, l'enjeu, il est très fort. D'une part, finalement, c'est vraiment une critique très forte sur la définition de l'objectivité telle qu'elle a été construite dans la modernité à partir de la figure de ce que Donna Haraway appelle le témoin modeste, c'est-à-dire un sujet de connaissance qui est complètement désincarné, qui est tout entier dans une activité qui valorise en fait la question de la vision, et d'une vision qui est plutôt une vision d'en haut, qui est une vision surplombante, et qui surtout, dans cette vision, se prétend juste être un discours de vérité, qui n'implique en aucune façon le sujet de connaissance qu'il élabore, mais qui, pour Haraway, innocente aussi le sujet de connaissance. Alors que pour Haraway, la question de la production de connaissance, c'est que tout objet de connaissance n'est pas simplement finalement l'idée d'un contenu objectif au sens qui est le produit d'une forme de neutralité, mais tout objet de connaissance en fait raconte quelque chose et implique en fait une position qui est partielle et partiale. Et donc ce que pour Haraway, l'objectivité, c'est justement de développer et de déployer cette idée de vision partielle qui est finalement une meilleure objectivité, qui est une vision aussi qui est ancrée, donc c'est un savoir situé et qui est plutôt où elle incite à apprendre à voir par le bas. Et par le corps aussi, elle dit. Et par le corps, exactement, là encore, on va retrouver une inscription dans le matérialisme historique, puisque évidemment, dans une certaine mesure, les conditions matérielles de vie déterminent des conditions de vue, en fait, des perspectives. Et c'est dans l'articulation de ces points de vue situés qui permet aussi finalement de repenser la communauté de pensée ou les communautés de production de savoir qui sont nécessairement traversées par de la conflictualité, par du différent, du désaccord. Et le ramener une forme d'humilité, de matérialité dans cette épistémologie a aussi pour Haraway une dimension révolutionnaire, puisque elle le dit dès 1985, en fait, l'enjeu d'une épistémologie féministe, c'est une sorte de, encore une fois, de condition de possibilité de renverser ce qu'elle appelle les lendemains apocalyptiques. Donc c'est aussi une façon vraiment de critiquer et de renverser un grand récit du monde qui nous mène dans le mur et à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, elle emploie le terme de conversation, pas seulement donc de vision, vraiment de regard porté depuis un corps. Elle parle d'ailleurs d'incorporation. Elle parle aussi de conversation, ce qui rejoint en fait l'idée de récit, c'est-à-dire que comment va se construire cette épistémologie à travers en fait la conversation de plusieurs récits, mais dans ce cas-là, comment éviter justement la concurrence des récits et l'occultation de certains récits par d'autres récits. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est la multiplicité des récits qui va former une épistémologie, un savoir, ou est-ce que, de fait, les récits mis en relation vont en effacer d'autres et donc cette épistémologie sera toujours bancale? Oui, alors, il n'y a pas de... L'idée de conversation, c'est aussi l'idée de rencontre, c'est aussi l'idée de confrontation. Elle rappelle à plusieurs reprises, au fond, qu'il n'y a ni relativisme dans sa position, que ça n'a rien à voir avec cette question, mais qu'en revanche, c'est l'idée de ne... C'est le point important, et contre, encore une fois, la figure du témoin modeste, c'est l'idée de... Les productions en fait de savoir et les sujets de savoir ne sont pas innocents, c'est-à-dire il n'y a pas de il y a aussi une forme de responsabilité en fait qui est impliquée et donc de politique dans la production de savoir et elle, donc je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment encore une fois d'aller dégager du conflit de la partialité des points de vue qui entrent en confrontation, d'en dégager une dimension heuristique. Et c'est aussi finalement la promotion d'une façon de produire des savoirs incorporés, c'est-à-dire qui ne soient pas exclusivement fondés sur la vision, mais qui déploient aussi d'autres modalités de connaissance du monde à travers évidemment d'autres sens, mais aussi d'autres échelles, d'autres cartographies, d'autres coordonnées en fait. Merci beaucoup à vous Elsa Dorlin. Alors je rappelle que vous avez coordonné l'ouvrage Feu, c'est un abécédaire des féminismes présents qui est paru aux éditions Libertalia, que vous êtes l'auteur de Se défendre, une philosophie de la violence aux éditions Zone, de Sexe, genre et sexualité, introduction à la théorie féministe aux éditions PUF, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais vous êtes aussi l'auteur avec Eva Rodriguez de Penser avec Donna Haraway, j'aurais dû d'ailleurs peut-être commencer par là, qui est paru aux éditions PUF, et puis évidemment de Donna Haraway. Chères auditrices, chers auditeurs, vous devez absolument lire le manifeste Cyborg et les autres essais, science-fiction féministe. C'est une anthologie de Donna Haraway établie par Laurent Salard, Delphine Gardet et Nathalie Magnan aux éditions Exil. Et enfin, de cette Journée Truth, vous pouvez lire Et ne suis-je pas une femme, traduction de Françoise Bouillon, parue aux éditions Payot cette année. Merci beaucoup Elsa Dorlin. Merci beaucoup à vous. Écoutez France Culture, The Slits Typical Girls, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment.